La semaine passée, on a appris une belle nouvelle pour le joueur des Saguenay de Chicoutimi, l'ancien joueur des Saguenay de Chicoutimi, c'est-à-dire Raphaël Harvey Pinard. Il a signé un contrat avec l'organisation du Canadien, soit le Rocket de Laval. Et celui qui a été le 7e choix au repêchage doit sûrement être heureux. On lui parle. Salut Raphaël! Salut! Raphaël, c'est une belle nouvelle que tu as eue la semaine dernière, ça? Oui, vraiment une belle nouvelle. Vendredi soir, j'ai appris que je signais mon premier contrat. Puis pour moi, ben, c'est un honneur, c'est une fierté de signer mon premier contrat professionnel avec le Rocket de Laval. Là. OK. Est-ce que vraiment les négociations ont pas dû être longues? Ben, ça fait longtemps qu'on en parlait un peu. Là. Mon agent est en contact depuis un certain temps. Sauf que c'est vraiment dans les deux, trois premiers. Ben, en fait, les deux, trois jours avant vendredi que ça a vraiment déboulé rapidement. Là. OK. Si on parlait un peu, vraiment, tu as eu l'occasion, je pense, de parler avec Joël Bouchard au cours des derniers jours. Oui, exactement. En fait, ça n'a pas été long. Mon agent m'a annoncé la nouvelle, puis environ 5 ou 10 minutes après, Joël Bouchard il m'a appelé pour me féliciter et pour prendre un peu de mes nouvelles. OK. Dis-moi, on dit vraiment que tu es un joueur qui travaille très fort, qui est toujours sans, qui n'arrête pas, même sans la rondelle, c'est important. S'il y aurait un aspect du jeu que tu aimerais améliorer, c'est quoi? C'est ton coup de patin, je pensais qu'on dit, hein? Oui, exactement, là, c'est mon coup de patin. Je pense que je l'ai déjà beaucoup amélioré dans les années passées. Je dirais pas que c'est une faiblesse, mais le fait que je suis un joueur un peu plus petit, ça nécessite qu'il faut que je sois plus rapide que tout le monde. Donc, c'est sûr, ça a travaillé. Aujourd'hui, il est toujours de plus en plus rapide. Donc, c'est tout le temps une bonne chose de travailler son coup de patin. Si on parlait un peu maintenant de comment tu entrevois l'été, pas trop savoir vraiment comment, s'il va y avoir une saison de la Ligue américaine ou de la East Coast, parce que c'est pas impossible non plus que tu te ramasses dans la East Coast, comment qu'on trouve ça et comment qu'on se prépare? Sincèrement, là, on contrôle ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire s'entraîner. Ouais. Puis je pense que tout le monde est dans le néant par rapport à l'année prochaine. Donc, moi aussi, je le suis. Puis ce que je fais, c'est que je m'entraîne pour être sûr que quand j'aurai une date pour recommencer le hockey, ben, je vais être prêt à 100% de montrer ce que je suis capable de faire. OK. Est-ce que la East Coast est une option? Est-ce que quoi? Est-ce que la East Coast est une option pour Raphaël Harvey Pinard, sûrement, pour aller faire un petit tour, aller jouer un peu, j'imagine? Ben, ouais, c'est une option. Par contre, pour moi, c'est vraiment la Rocket de Laval que j'ai pour l'année prochaine. Je vais travailler en conséquence, sauf que si jamais pour le Rocket, c'est mieux de jouer dans l'East Coast, je suis prêt à le faire. OK. Raphaël, si on parle un peu de la saison, la fin de saison décevante pour les Saguenayens, c'était décevant, hein, quelque part. Là. Certainement que tu aurais aimé finir ta carrière junior sur une meilleure note, surtout que l'organisation avait tout fait pour aller très loin. Là. Non, c'est ça. Je pense vraiment que c'était l'animation, c'est quelque chose de décevant pour moi, pour l'équipe, pour l'organisation. Je pense que dernièrement, on jouait du gros hockey. L'organisation, comme tu viens de le dire, est allée chercher plein de bons joueurs. Donc, je pense qu'on rentrait dans les séries avec beaucoup de confiance. On avait toutes nos chances d'aller ramasser les deux coupes. OK. Ton meilleur souvenir junior, c'est seulement la Coupe Memorial? Je pense que la Coupe du Président et la Coupe Memorial, c'est pas mal les deux moments les plus gros de ma carrière junior, c'est sûr. OK, OK. Ben, Raphaël, on va suivre ta carrière avec le Rocket de Laval ou la East Coast l'an prochain. On espère évidemment que tu vas jouer avec le Rocket. Et je regardais l'alignement du Rocket. Il risque d'avoir pas mal de Québécois aussi cette année, hein? Ouais, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de Québécois. Là. Je l'ai regardé également. Là. J'ai vu des tweets par rapport à ça. Là. Ouais, effectivement. Raphaël, merci beaucoup. On va s'en reparler durant la saison. Merci beaucoup. L'attaquant des Saguenay de Chicoutimi qui a signé un contrat avec le Rocket de Laval, Raphaël Harvey-Pinard.